donc un peu les filles. Allez, ouais, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny 2 à Z qui officie le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission, la 552e émission de Johnny 2 à Z. Ouais, oui, bien sûr, avec cette semaine un album de la semaine que je vous ai concocté, qui est l'album Hollywood. Il a été enregistré donc de octobre 78 jusqu'au 1er décembre 1978 à Hollywood, et il est sorti le 30 janvier 1979 chez tous les bons disquaires. C'est le 25e album de Johnny Hallyday. Il a été enregistré donc à Los Angeles et réalisé par Eddie Vartan et Bob Margouleff. Et avec cet album-là, Johnny, ben oui, défie un petit peu les antipodes. C'est-à-dire qu'en gros, on l'attend, il est ou on ne l'attend pas. Vous rappelez-vous, 1968, déjà 10 ans auparavant, on le voyait, Johnny, en hippie. Et puis, une fois que la chanson il est hippie, enfin, San Francisco était sorti, deux jours après, il se retrouve dans une rixe, Johnny, et Georges Albert qui a dit, voilà, allez, voilà, trois mois de boulot anéanti en peu de temps. Voilà. Et alors là, en 1979, nous sommes en pleine période disco, et Johnny, donc, ben voilà, Johnny ne suit pas du tout la mode, et il a décidé de partir à Los Angeles, et puis évidemment de revendiquer qu'il aime toujours autant le rock'n'roll. Et là, nous avons donc un album qui, en toute logique, s'appellera donc Hollywood. Hollywood est une œuvre délicate à construire. Voir. Sa sortie donc est prévue pour janvier 79. Elle est donc le prélude à une année clé dans la carrière de l'artiste, dont l'actualité culminera le 18 octobre au Pavillon de Paris pour la célébration de ses 20 ans de carrière. Hollywood donc est un album précieux qui doit être réalisé sur le fil du rasoir et drainé vers les salles, un large public. Johnny, qui a besoin de matériel musical flambant neuf, décide de passer en force. Et le disque est souple mais âpre, ne se calmant que l'espace d'une plage nommée du même côté de la rivière, oui, écrit par Didier Barbelivia. Hein. Et pour le reste, on a une lourde tendance à enfiler les titres comme autant de coups au ventre. Reprise d'une création de Bob Seger, le bon temps du rock'n'roll qui ouvre le disque et annonce la couleur. Elle est très hallydéenne, cette chanson, et peut se résumer en trois mots, pas de quartier. La chanson sera un hit, puis un standard, et enfin un incontournable de l'univers Hallyday à la manière de Que je t'aime, Gabriel, ou encore La musique que j'aime. C'est bien sûr c'est ce titre-là que je propose en ouverture de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous, et bon et très très très bonne écoute. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny 2 à Z. Et là on écoute le remix de 2014. Yeah.

Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Alors tout de suite, Johnny Hallyday en live à la télévision. C'était lors des rendez-vous du dimanche. Le 28 janvier 1979, Johnny est à la télévision avec Michel Drucker et présente quelques titres de son nouvel album, dont celle-ci. Tout m'enchaîne. Tu n'étais qu'une fille fragile, à la bouche rouge et mouillée, et ton corps se faisait docile. J'ai perdu la notion des choses quand j'ai mordu à pleines dents. Oui, dans ta vie et dans tes lèvres roses, pour tenter d'arrêter le temps. Des rendez-vous du dimanche, 28 janvier 1979. Michel Drucker célèbre les 20 ans de carrière de Johnny dans un spécial rendez-vous du dimanche sur TF1 en présence de Sylvie Vartan et de Gérard Depardieu. En live avec ses musiciens, l'idole chante « J'ai oublié de vivre »,« Elle m'oublie »,« Fais ce que je dis, pas ce que je fais »,« Tout m'enchaîne »,« Dommage »,« Gabriel » et « Le bon temps du rock'n'roll ». Et à cette occasion, le couple Hallyday Vartan fait la une du journal du dimanche. Eh oui, et dans peu de temps, on savait que Johnny et Sylvie se séparaient. Voilà. Et en nous allons du côté des actualités du 27 mars 1979. L'étranger sur la chute de Marie, le soleil d'un projecteur. J'étais qu'un enfant, et alors j'ai tombé, l'envie qui tombe et j'en monte. Je suis un vacuum-boomer. Je suis un vacuum-boomer. Il ne faut pas négliger le côté mythe de l'artiste, le côté, que ce soit le côté vestimentaire, le côté coiffure, le côté physique. Moi j'ai toujours travaillé par instinct, par choses que j'aimais sur le moment, que ce soit musical ou que ce soit scénique, ou même, il faut bien le dire, parce que ça compte pour un artiste, image de marque autant que personnage. Attendez, je suis du fichu. Celui qui faisait hurler les critiques et les parents en 59, en s'inspirant des rockers américains, a traversé les modes, trouvé un style et conquis chaque fois un nouveau public. Il est entré au musée Grévin depuis longtemps, on vient de lui consacrer à Bordeaux une vaste exposition rétrospective. Cette idole de 36 ans attire aujourd'hui des fans de 10 ans en chantant les mêmes thèmes, l'amour, la vitesse, la violence et la rue. Jean-Philippe Fett, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. un soir de juin 1943. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue, dans la rue. On murmure actuellement que vous préparez, vous avez un rêve pour le mois de juin. C'est un énorme spectacle. Alors comment l'envisagez-vous ? Ben moi, ce serait de faire un spectacle à Paris, une seule soirée au lieu de faire cinq semaines. Cette soirée qui serait une journée de fête. Une journée, une soirée de fête, comme c'est mes 20 ans de chanson, et de réunir entre 80 000 et 100 000 personnes et de faire une soirée qui serait 3 heures de spectacle, 1h30 de chansons que les gens ont aimées pendant 20 ans de moi, et une deuxième partie d'une heure et demie, 1h30, 2h, où je ne chanterai que des rock'n'roll que j'ai aimés, tous les rock'n'roll que j'ai aimés depuis que le rock'n'roll existe jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet qui vous tient à cœur, vous ferez tout pour le faire. Oui, de toute façon, je me battrai pour le faire. En France, rien n'est jamais facile quand on veut faire quelque chose. On fait toujours ça dans les choses les plus difficiles. L'administration, c'est quelque chose de très difficile à casser, je veux dire. Mais j'espère que ça marchera. Sans rien révéler, on peut dire que vous pensez à un immense parc où il y aurait beaucoup de gradins. Oui, par exemple. Ces jours-ci, on s'est aperçu qu'on vous a beaucoup surveillé sur le plan policier. Alors, est-ce que ça se justifiait ? Qu'on m'enlève, puis on n'en parle plus comme ça. Mais ils n'auront pas beaucoup d'argent parce que j'aurai pas beaucoup d'argent à leur donner pour la rançon. L'album de la semaine pour quelques secondes, dans quelques secondes, hein, l'album Hollywood qui est sorti le 30 janvier 1979 et ce titre de Cheryl Ladd. Vous savez, l'ex Old Drôle de Dame dans les années 70 qui avait chanté la version originale de ce titre-là, You Are the Only One I Needed. Et c'est devenu sous la plume de Michel Mallory, Tu n'es pas la seule fille au monde. Voici June Hallyday, extrait de l'album Hollywood, l'album de la semaine. Il est trop tard, ou il est trop tôt, nos cœurs ne sont plus à la même heure. Quand je m'en vais, c'est là que tu reviens, l'un de nous deux a manqué un train. Tu t'es bien trompé d'histoire d'amour, ton amour s'est trompé de jour. Et cette fois c'est moi qui te laisse, dis-moi quel effet ça fait d'être celui des deux qui reste. Tu n'es pas la seule fille au monde. Tu n'es pas la seule fille sur terre. Tu n'es pas la seule fille blonde. Et tu n'es pas la seule à me plaire. Toi, pour une fois, tu n'as pas gagné. Tu as le plus mauvais rôle à jouer. Pour mon amour, fais l'aller sans retour. Ta vie n'a plus rien à faire ici. Tu as encore dû te tromper d'adresse. Tu as pris tes nuits pour mes jours. Chacun son tour, chacun sa tristesse. Ouais, dis-moi quel effet ça fait d'être celui des deux qui reste. Tu n'es pas la seule fille au monde. Tu n'es pas la seule fille sur terre. Blonde. Et tu n'es pas la seule à me plaire.

C'est une de mes chansons préférées. Elle est belle, cette chanson. Bravo. Eh bien, bravo. Bon, 10 sur 10. 10 sur 10. Hein, 10 sur 10, grâce à qui, hein? Bon. Retour à l'album de la semaine qui est Hollywood, sorti le 30 janvier 1979. Et ce soir, je vous fais écouter le premier livre-disque qui est apparu chez Universal. Le premier livre-disque, c'était Hollywood. Après, a suivi plusieurs autres. Et il est marqué en fin de ce livre-disque sur cet album Hollywood. Cette édition qui revisite pour la toute première fois l'année 1979 de John Hallyday est un parfait compte-rendu des étapes tant discographiques que scéniques qu'il a traversées. À commencer, bien entendu, par la restitution de l'album original Hollywood sur le CD1. Certes, revenir sur les traces du passé est une démarche toujours un peu vertigineuse. Hollywood, justement, ce 33 tours vinyle qui fait son apparition dans les bacs des disquaires le 30 janvier 1979, offre un son lourd et compact, mais inférieur, c'est une évidence aujourd'hui, à l'énergie brute qui se dégageait des séances. Pour juger l'album à sa juste valeur, il faut donc arpenter les plages du CD2 et par la magie d'un nouveau mixage qui pourrait se définir comme le grand mixage perdu, ce second CD offre un éclairage incontestablement nécessaire pour rendre toute sa force à cette œuvre. Quand on concerte au pavillon de Paris, il est abordé ici avec le même souci de reconstitution témoin. Si la captation de Bernard Lyon diffusée à la télévision en 1980, il avait une certaine gueule, un mot qui dira quelque chose à tous ceux que ce spectacle passionne. Et les différentes éditions VHS et DVD qui ont pu exister n'ont guère rendu justice à cet opéra spatial, il est vrai, difficile à reproduire dans toute sa grandiose entreprise. C'est maintenant chose faite. L'année 1979 peut être donc réinsérée dans la biographie de John Hallyday. Elle est suffisamment mise au net pour trouver idéalement place dans son incroyable et remarquable disco-vidéographie. Et enfin, ce coffret réserve une belle et grande surprise, un titre inédit, Elle est vraiment dingue, qui groove tranquillement sur un texte ironique et matois. Négligé à l'époque, là vous le voici qui ressuscite, et surprise dans la surprise, c'est du Hallyday pur et dur de l'époque. Et c'est ce que me disait aussi Xavier Perrault, il s'était penché sur cet album-là, et puis il disait que le mixage de l'époque ne rendait pas justice à cet album-là, le son était trop plat, voilà. Et grâce à ce mixage-là, on peut avoir enfin un album digne de ce nom, du moins une qualité sonore digne de ce nom. Et c'est le prochain titre que je propose d'écouter, Le cœur d'une comme une montagne, qui est la reprise du titre des Babies, Isn't It Time? Elle s'en va comme elle revient, simplement sans rien dire. Elle me fait mourir avec une larme ou bien un sourire. Et voilà, tu sais, je suis fou aussi. Un jour elle partira, je la suivrai, tant pis. Elle ne t'aime pas vraiment, mais je l'aime pour deux. J'ai beau faire, j'ai beau dire, j'ai pour elle le cœur comme une montagne. Le cœur s'est tout dit, on s'est fait l'amour comme la haine. On fait la guerre ou la paix, on se bat autant que l'on s'aime. Elle est trop belle pour toi, mais qu'est-ce que ça fait? Un jour elle partira, partira aussi. Elle ne t'aime pas vraiment, mais je l'aime pour deux. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pour elle le cœur comme une montagne. Le cœur comme une montagne. Comme une montagne. Gêner le vent ou faire prisonnière une étoile. Elle est mon étoile et le souffle de vie qui fait l'amour. Elle vole, tu sais, je suis fou aussi. Un jour elle partira, la

pas en tandem avec Charles Aznavour, Georges Garvarens collabore avec des amis paroliers, notamment Noël Roux, auteur de la chanson la plus rock de Maurice Chevalier, Le Twist du canotier. Non mais dis donc petit gars, tu sais qui tu parles en ce moment ? Avec mon canotier, sur le côté, j'ai fait danser le twist. Le twist ? Au monde entier. Avec son canotier. Sur le côté, j'adore danser le twist. Le twist ? Ouais. Bobo qui chante le twist, étonnant, non ? Au même moment, c'est sur les conseils de Georges Garvarens que Charles Aznavour s'intéresse à Johnny. Au point que, quand il parle du jeune rocker à Georges, Charles emploie l'expression « ton protégé ». Ensemble, ils signent plusieurs titres pour Johnny, dont celui-ci, le plus célèbre. Avec le parolier Clément Nicolas, Georges Garvarens met au point « Si tu me téléphones ». Un excellent rock'n'roll que Johnny enregistre en novembre 1961 avec son groupe Les Golden Strings. Cette œuvre témoigne de son époque à plus d'un titre. D'abord sur le plan musical, les musiciens débordant d'une énergie communicative, d'une spontanéité difficilement imaginable en studio aujourd'hui. Malgré son potentiel, Johnny ne va jamais chanter ce titre sur scène. Il faut dire que le texte, s'il est sympathique, dépasse vite sa date de péremption. En effet, on imagine mal Johnny, qui a passé le cap de son 18e anniversaire, demander à sa petite copine de l'appeler en cachette de ses parents. Sans oublier que je vous parle d'une époque lointaine où non seulement on ne connaissait pas le portable, mais il n'y avait dans le meilleur des cas qu'un téléphone par foyer, et encore quand il y en avait un. Bref, c'est charmant, même si c'est devenu totalement anachronique, et c'est surtout un pur moment de rock'n'roll. Ah, si tu me téléphones. Allô ? Tweet ? Oui, c'est moi. Si tu me téléphones, bien attention. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. À la semaine.

un charpentier. Si tu t'appelais Marie, ah, mes mains seraient sèches et dures, elles tiennent si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Johnny Hallyday en 1966, oui, si j'étais un charpentier. En revenant à l'album de la semaine qui est Hollywood, sorti en 1979, on a pu écouter déjà quelques titres, mais le reste du disque est sidérant de vitalité. Il brutalise une œuvre de Robert Palmer comme un voleur, vandalise le travail de Steve Beckmeyer, qui tient les guitares durant les séances sur les titres Tout m'enchaîne et Dommage, se montre sadique avec la contribution d'Eddie Vartan dans la chanson Ce que tu as fait du moi, qui sera la prochaine. Et dans cet album qui lui tend une sorte de miroir, Johnny se confond avec une sincérité désarmante, fait ce que je dis, pas ce que je fais, peut-être un conseil à un fils qui n'en tiendra aucun compte, puisqu'au soir de la dernière au pavillon de Paris, il s'installera derrière les fûts et assurera le show à minuit à l'âge de 13 ans. Enfin, le rocker voyage dans son œuvre et dans son esprit et s'abreuve à une source jamaïcaine inattendue, le temps d'un clin d'œil à Jimmy Cliff, tu as le bonjour de l'amour, et à l'arrivée, Hollywood est un tremplin parfait pour des aventures scéniques qui annoncent mouvementées. Et si son unité repose sur la plume familière et de l'indispensable compagnon de route Michel Mallory, qui signe 9 textes sur 10, passant le relais une seule fois à Didier Barbulivien. Enfin, on ne négligera pas la contribution du plasticien Patrice Larue, auteur de la pochette. Larue, le peintre des artères citadines dévastées par la pluie et des enseignes qui se décomposent lorsqu'elles sont aperçues à travers le verre, obscurci par la buée d'un pare-brise de Cadillac. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur cet album-là. On en sait, oui, on ne dit pas trop de mots hein, sur cet album-là, sauf qu'on sait que Johnny donc n'est pas là où on l'attend, là où le disco bat son plein en 1979. Voici le titre « Ce que tu as fait de moi ». Il y avait en moi quelque part de la tendresse. Il y avait en moi peut-être de l'amour. Quand je n'étais pas ce que tu as fait de moi, cet homme inconnu qu'aujourd'hui je ne connais plus. Il y avait en moi autre chose que la haine, que ce cœur de pierre mort pour un je t'aime. Quand je n'étais pas ce que tu as fait de moi, l'ombre sans lumière et l'arbre sans terre, que voilà. Mais il y avait tes yeux, il y avait ton corps, et je me noyais en toi, jusqu'à tomber mort au chant d'amour dans tes bras. Je n'avais plus rien à perdre que ma vie. Il n'y a plus en toi rien qui ressemble à l'amour, et ton vrai visage se cache toujours sous le maquillage des mensonges de ta vie. Et t'es seul seules larmes n'étaient que des gouttes de pluie. Mais il y avait tes yeux, il y avait ton corps, et je me voyais en toi, jusqu'à tomber mort au chant d'amour dans tes bras. Mais il y avait tes reins, il y avait tes seins, et il y avait ma folie. Je n'avais plus à perdre que ma vie. Je n'avais plus rien à perdre que ma vie. Mais il y avait tes yeux, il y avait ton corps, et je me noyais en toi, jusqu'à tomber mort au chant d'amour dans tes bras. Mais il y avait tes reins, il y avait tes seins, et il y avait ma folie. Je n'avais plus rien à perdre que ma vie. Mais il y avait tes yeux, il y avait ton cœur, et je me noyais en toi, jusqu'à tomber mort au chant d'amour dans tes bras. Mais il y avait tes reins, il y avait tes seins, et il y avait ma folie. Je n'avais plus rien à perdre que ma vie. Mais il y avait tes yeux, il y avait ton corps, et je me noyais en toi, jusqu'à tomber mort au chant d'amour. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve à nouveau Johnny Hallyday au rendez-vous du dimanche de Michel Drucker le 28 janvier 1979. Vite, de verre en bouteille, de lui

Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. De l'album de Hollywood sorti le 30 janvier 1979. C'est le titre Comme un voleur qui est une reprise de titre de Robert Palmer, You Gonna Get What's Coming. Et vous écoutez toujours RIG, l'émission Johnny de la Sec. Je vole le meilleur de leur vie, la ce livre-disque Hollywood avec un remix superbe, superbe, qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un album de Johnny Hallyday musicalement, avec voilà tout reperché, batterie, guitare, basse, tout remis en avant. Il y a une expression américaine qui dit « le rock'n'roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Johnny et les années 2000. Dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG 90.7. Tout à l'heure, on a écouté la version de Johnny Hallyday, Tu n'es pas la seule fille au monde, extrait de l'album de la semaine Hollywood de 1979. Et je vous ai parlé de la version originale qui figure sur l'album de la drôle de dame Cheryl Ladd, Dance Forever, en 1979. Voici sa version. Every time we always end up in the deepest despair. Cause you're so afraid you'll never have enough, even though I say it's gonna be there. You may not be good at taking chances, but don't be afraid to win or lose. Ever Needed, Sherry Ladd, la version donc originale de Tu n'es pas seul au monde. Johnny en live. Autre extrait de l'album de la semaine en live, cette fois-ci c'est toujours dans les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker du 28 janvier 1979. Voici Dommage. L'amour est mort, aucun autre puisse vivre. L'amour est

original du film Les Ponettes, avec une composition de Mickey Jones, Tommy Brown et les paroles de Georges Haber. Les cinéphiles disent fréquemment que les Français n'aiment pas le style fantastique. C'est possible, nonobstant, cette chanson distribue à Johnny le rôle du vivant parmi les morts vivants quand c'est la nuit en plein jour. Le solo de trompette de façon Jean-Sébastien Bach fait naturellement écho Penny Lane des Beatles. Voilà, et c'était le titre, donc Le Mauvais Rêve. Revenons maintenant à l'album de la semaine, l'avant-dernier extrait. Non, c'est même carrément le dernier extrait, ce qui clôt cet album Hollywood avec ce fameux reggae repris à Jimmy Cliff. Voici le titre Tel Bonjour de l'amour. Johnny de la Z sur RIG.

Chef de l'émission Johnny 2 à Z avec l'album de la semaine Hollywood sorti en 1979. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté, d'avoir participé à cette émission Johnny 2 à Z, la 552e, et le podcast sera disponible très prochainement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On partira en ce moment sur un autre album de la semaine, et entre temps, bonne fin de semaine à vous, bonne nuit, à très bientôt, ciao ciao.